est fraîche mais tu ne l'as jamais mentionné. T'as confié ta vie, elle est partie tout balancer. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Parle avec toi mais c'est ton pote qu'elle veut serrer. Si t'as pas la pastible, elle va pas s'abonner. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. T'es dans tous tes états, dans tous tes états. Tu savais que déjà que c'était pas sincère, que c'était pas sincère. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Obligé de mettre la distance quand je te sens trop insistant. Tu sais que tu montes vite en puissance et sans prendre aucune substance. On s'est disputé et je t'ai supprimé. Du coup j'ai bloqué, je t'ai oublié. Madame, on ne vit qu'une fois ce que m'a dit le docteur. Pour ta santé mentale, il faut protéger son cœur. Je vis la vie d'un local et je lève mon verre à l'occasion. Je vis la vie d'un local, ce que m'a dit le docteur. Parle avec toi mais c'est ton pote qu'elle veut serrer. Si t'as pas la pastible, elle va pas s'abonner. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Tout ça tu le savais, tout ça tu le savais. Obligé de mettre